Cette chanson sans gloire, vous racontez la vie, vous racontez l'histoire du petit âne gris. Voilà mon Hanoun, c'était ma chanson. Ça t'a plu? Bof. C'est vrai que c'est triste. Une autre? Ok. Alors je vais te raconter l'histoire du petit colibri. Et celle-là, faut pas que tu l'oublies. Écoute.